sais, après la nuit qu'on a passée ensemble, je sais pas ce qui m'arrive. Quand je te vois, je me sens bizarre. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai des frissons. Je sens des choses qui me chatouillent dans le ventre, comme des papillons, tu vois. Je crois que je suis amoureux. Non, je crois pas, non. Je crois que je t'ai refait des magastro. C'est où les toilettes ? Attention, les symptômes du coup de foudre et de la gastro-entérite peuvent être confondus. Avant de faire votre déclaration d'amour, consultez un médecin. Ceci était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête ?